Le Cantique des Cantiques, chapitre 8. Oh, connais-tu mon frère, allaité des mamelles de ma mère? Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions, et je te ferai boire du vin parfumé, du moût de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur mon bien-aimé? Je t'ai réveillée sous le pommier. Là, ta mère t'a enfantée. C'est là qu'elle t'a enfantée, qu'elle t'a donné le jour. Mets-toi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur, le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de sel. Je suis un mur, et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun t'apportait pour son fruit 1000 sicles d'argent. Ma vigne, qui est à moi, je la garde. À toi, Salomon, les 1000 sicles, et 200 à ceux qui gardent le fruit. Habitante des jardins, des amis prêtent l'oreille à ta voix. Daigne me la faire entendre. Fuis, mon bien-aimé. Sois semblable à la gazelle ou au fond des biches, sur les montagnes des aromates.